Check the freak show tonight. Stein bonsoir pour la ride. Pays ça sur mon comique. Assure-toi que ça soit magique. Car à soir on décolle pour le pays dont tu raffoles. La nuit blanche, les étoiles qui avancent et tes hanches. Où sont-elles? Il faut que j'y pense. Dans le rétroviseur blindé, je te vois déshabillé à côté de moi. Ta beauté d'ange fait que je change. Je changerai toujours, me faisant façonner par l'amour. J'évoluerai encore en effleurant ton corps. Ton corps. Yeah, yeah, yeah. Na, na, na, na, na, na, na. Yeah, yeah, les étoiles qui avancent et tes hanches. Où sont-elles? Il faut que j'y pense. La nuit blanche, yeah. Les étoiles qui avancent et tes hanches.